En Corée, les militaires de l'armée populaire engagés dans le rétablissement des régions nord sinistrées de la province du Hamgyong du Nord remportent des succès tous les jours. Les militaires participant au rétablissement de la ville de Faeryong ont terminé rien qu'en 2 jours les travaux de creusement de la fondation de 55 immeubles d'habitation à 2 étages. Ils ont réparé dans un court laps de temps la voie ferrée et les routes des centaines de lieues. À l'arrondissement de Yunsa, on a reconstruit à merveille au bout de 4 heures la digue des centaines de mètres qui a été détruite complètement et fabriqué plusieurs dizaines de milliers de parpaings en une journée. À l'arrondissement de Gyeonghun, la réparation de routes et l'aménagement périphérique, le creusement de la fondation des maisons d'habitation et le bétonnage de fondations sont terminés pour ainsi se mettre simultanément à la construction des murs depuis le 25 septembre.